Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique. Et oui, en ce beau jeudi soir à Québec, où on a 26 degrés plus l'humidité, donc environ 40. Non, mais en réalité, il faisait 31 dans l'auto tantôt. Puis on avait la climatisée. On avait la climatisée. Et c'est chaud à Québec, mais c'est aussi très chaud dans le studio de CKIA FM à Québec. C'est pour vous dire comment on vous aime. On aime ça faire la radio, mais c'est aussi pour vous qu'on fait ça, parce qu'il fait très chaud ici en studio. Une autre grosse émission cette semaine avec M. Andrew Castegan. Bonjour. Et ça va bien, M. Andrew? Toujours, toujours. Excellent. Et de quoi on va parler de nouvelles aujourd'hui, c'est principalement, et pour ma part, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, qui est un jeu de combat, évidemment, dans la franchise, dans le monde de Dragon Ball, du manga Dragon Ball, que vous connaissez, ou en tout cas, vous connaissez peut-être pas en profondeur, mais de nom, certainement, car c'est quand même une franchise assez importante dans le monde du manga. C'est un classique. C'est un classique, effectivement. C'est la base d'un type de manga qu'on appelle le shonen. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Et on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez trouver nos émissions, évidemment, nos anciennes émissions, des podcasts, des nouvelles, des belles photos aussi, des vidéos. D'ailleurs, en fouillant les podcasts, vous allez pouvoir trouver notre charmant lexique termes qu'on avait fait là un bon moment. Presque 2 ans sur justement le monde du manga, le langage qu'on utilise, les termes les plus érudits pour vous retrouver dans ce monde-là. Il y a aussi le site internet de CKIA, donc le CKIAFM.org, excusez-moi, où vous allez pouvoir acheter votre carte de membre. C'est bien important de le faire pour encourager Puissance Maximale, mais surtout CKIA FM, qui est un micro libre à Québec, donc la musique différente et aussi un micro différent à Québec. Et bien entendu, on va commencer l'émission comme à notre habitude, en musique, avec le groupe français de rap I Am, avec la chanson. Et vous allez voir, j'ai fait un petit nid ici aujourd'hui. On va avoir une nouvelle un peu plus tard sur Star Wars The Old Republic. Ben, ça s'appelle Le Côté Obscur. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui, en ce lieu, paraît irréelle. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi, où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui, tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit.

on dirait qu'il est un peu moins dynamique, moins compliqué un peu, je vous dirais, par exemple, que le jeu sur GameCube, la nouvelle version sur PS3 et Xbox 360 Ultimate Tenkaichi a été beaucoup simplifié. On va avoir la possibilité de faire à peu près toutes les attaques spéciales des personnages. Malgré le fait que ce sont des attaques extrêmes qui défendent la moitié du tableau où vous allez vous retrouver, c'est facile, c'est en levant un des joysticks. Quand vous avez atteint assez d'énergie pour faire cette attaque-là, ben vous allez pouvoir le faire seulement avec un mouvement de joystick. Il y a eu beaucoup de critiques à ce niveau-là, disant que c'était très simpliste. Je pourrais vous dire que je trouve aussi que le jeu est un peu trop simpliste. C'est assez facile. Une fois qu'on s'est entraîné avec le tutoriel au début, je trouve que c'est quand même... C'est simple une fois qu'on sait jouer. Au début, c'est un peu plus compliqué, mais une fois que le tutoriel est fait, pas trop compliqué. Et pour les fans, effectivement, ça, de la série, des nombreux jeux de Dragon Ball qui sont sortis durant les dernières années, ils vont peut-être pas s'y retrouver automatiquement côté gameplay. Ils l'ont vraiment simplifié. Ce qui est pas une mauvaise chose pour les jeunes et les moins jeunes aussi, là, les néophytes du monde de Dragon Ball, autant dans la franchise jeux vidéo qui veulent s'y intégrer. Mais dis-moi, Mike, as-tu triché dans ce jeu? Et non, je ne triche jamais sur console. Parce que on peut pas. Premièrement, c'est plus difficile. Mais non, je triche pas dans tous mes jeux, cher Andrew. Surtout sur PC, par exemple. Quand je joue tout seul, j'aime bien avoir la paix. Surtout à Skyrim, là, c'est un de mes passe-temps préférés. Mais non, pas Dragon Ball et pas dans les jeux de combat. Je trouve que c'est un peu niaiseux de tricher dans les jeux de combat. Mais non, mais t'aurais pu débloquer tout en faisant juste... Gauche-droite. Et non, il n'y a pas de trucs de ce genre-là dans ce jeu, cher Andrew. Il n'y a pas de Konami Code. Non, pas dans ce jeu-là. La sortie, en fait, il est sorti le 25 octobre 2011, donc il n'y avait pas si longtemps que ça. Édité, bien sûr, par Bandai et Namco, qui font des bons jeux de combat. Et Dragon Ball en est un bon, surtout pour les gens qui sont pas fans de la série, ils trouveront pas le jeu intéressant parce qu'on en a vraiment une esthétique manga. D'ailleurs, les graphiques sont en cel shading, mais Andrew, je t'avais montré un peu de gameplay chez nous, justement. Et en tout cas, je sais pas ce que t'en as pensé côté graphique. Moi, j'ai beaucoup aimé. On est dans le ton. J'ai trouvé les graphiques quand même très beaux. La seule chose que j'ai remarqué et que tu m'as fait remarquer encore plus, c'est la synchronisation des bouches avec les voix. Les voix anglaises. Là, j'ai pas fait le test avec les voix japonaises parce que ça doit être conçu effectivement pour les voix japonaises. Mais ayant écouté Dragon Ball, la série animée, quand j'étais plus jeune, avec les voix anglaises, j'aime bien avoir la grosse voix profonde de Piccolo et de Vegeta au lieu des voix japonaises qui sont un peu plus agressantes parfois. Donc c'est un petit problème là, au niveau de la synchronisation des lèvres et de l'animation et du texte, mais bon, c'est pas si grave que ça. Mais un beau cel shading, un beau graphique puis une belle esthétique manga. Mais en fait, ça fait juste reproduire encore plus fidèlement la piètre qualité de la traduction de la série de dessins animés. Tout à fait. Ben, de toute façon, tous les mangas, les animés que vous allez écouter, si c'est pas sous-titré, les francophones, on est meilleurs en doublage à la base. Ça, faut pas l'oublier. Moi, je trouve que les Américains, ils l'ont pas côté doublage, puis ça paraît. Vite. Oh oui. Tant qu'à l'écouter en anglais, moi, j'aime mieux l'écouter en sous-titre. Si j'ai la version française, tant mieux. Habituellement, c'est bien doublé. Il y a des bonnes techniques. Mais pour l'anglais, on le voit dans le jeu-là aussi. Ça suit pas, c'est pas intéressant. Et il y a différents modes dans ce jeu-là, comme dans plusieurs maintenant jeux de combat. Il y a le mode story, donc vous allez jouer différents personnages connus de la série, et il y en a beaucoup. Vous pouvez en jouer jusqu'à, en tout cas dans le mode tournoi là, disponible, il y en a jusqu'à 42 personnages. Je vous les dirai pas tous, mais les principaux même. Vous avez toute l'équipe de la Ginyu Force, donc les gardes du corps de Frieza dans la Frieza Saga, qui sont là, même les moins intéressants, ils sont là. Il y a d'autres, il y a plein de personnages, dont entre autres le père de Goku, Bardock, et il y en a plein. En fait, 42, comme je viens de vous dire. Mais dans la story mode, ben, vous allez jouer autant des méchants que des bons. Est-ce qui va suivre. Non, je me suis pas rendu assez loin encore. Je suis en plein dans la Frieza saga. Mais si je regarde rapidement ma liste, je ne crois pas. Mais en fait, Satan en anglais, dans la version française, ce personnage qui arrive vers la fin de la série Dragon Ball s'appelle Satan. Mais en anglais, vu que la connotation... en fait, c'est un humain bien normal en passant. Là. Il est pas, c'est pas un démon ou quoi que ce soit. Il est juste... un humain, puis son nom, et c'est ça. Et il est pas bon. Puis c'est un pas bon. C'est un genre de... c'est un champion de lutte, en fait. Là, vous avez, genre, les combattants de Dragon Ball qui pitchent des rayons avec leurs mains puis qui peuvent détruire des planètes, puis il y a le champion de lutte qui s'appelle Satan. Mais aux États-Unis, bien évidemment, ça n'a pas passé comme nom, donc il l'appelle Hercule en anglais. Donc c'est ça, plusieurs personnages dans le story mode, vous allez suivre justement toute la trame narrative de Dragon Ball en jouant différents personnages, et vous allez même faire des combats que votre personnage va perdre à cause du storyline. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Je suis pas rendu super long. Ben, c'est quand même assez long, je vous dirais, pour le nombre de combats qu'il y a à faire. Je suis rendu seulement au chapitre de Frieza, qui est quand même peut-être un peu moins de la moitié de la série en livre, puis même un peu moins. Le jeu commence à peu près à quel moment? On commence au début de la Saiyan Saga, vraiment au début de Dragon Ball Z, parce qu'il y a Dragon Ball où il y avait Goku et tous ses amis qui étaient jeunes, tout petits. En fait, Goku était un enfant dans la série, et où il devient adolescent, presque adulte, en fait. Mais non, Dragon Ball Z, même pas. Quand ça commence, il est adulte, il a même Gohan, son fils. Donc, on commence là. Non, même pas vrai. Le premier combat de tout, c'est vous jouez Bardock, donc le père de Goku qui se bat contre Frieza. Ils ont rajouté ça aussi dans le storyline, les bouts des films de Dragon Ball qui ont fait au Japon. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés ici aussi. Donc c'est des rajouts à la trame narrative originale de Dragon Ball. Donc l'origine de la destruction de la planète Vegeta, qui est la planète d'origine des Saiyans. Bon, on voit ce qui se passe pour ceux qui n'avaient pas vu les films. Donc c'est Frieza qui avait peur finalement de la puissance des Saiyans, qui a décidé de détruire la planète. Donc on a ce boulot après ça, tout de suite après, on commence la Saiyan Saga où il y a le frère de Goku, Raditz, qui arrive pour finalement voir ce qui s'était passé avec la planète, parce que Goku avait été envoyé là pour la détruire, mais il est devenu tout gentil parce qu'il a été élevé par son grand-père, Gohan, qui a le même nom que son fils. On commence la série comme ça, puis on y va comme ça en story mode jusqu'à, puis là, il rajoute évidemment des chapitres des films de Dragon Ball, mais je suis pas rendu assez loin pour vous dire tous les chapitres, mais il y en a quelques-uns. Vous pouvez également, il y a le Hero Mode où vous créez votre propre personnage, qui est évidemment basé là, sur les techniques connues des différents personnages de Dragon Ball. Vous allez le construire. Je dirais qu'au début, c'est très limité quand vous n'avez pas débarré là, tout ce qui est costume, technique. Là, vous avez un personnage assez basique, puis vous pouvez pas vraiment le personnaliser comme vous le voulez. Ça, j'ai trouvé ça un peu plate là, au début. J'aimerais bien ça qu'il y ait plus de matériel pour faire vraiment un personnage comme on le voulait. Là, mon personnage, au début, il ressemble pas mal à un Saiyan. En fait, vous êtes un Saiyan, là. Quand vous faites le Hero Mode, vous rencontrez des personnages de Dragon Ball. C'est comme vous étiez dans un univers parallèle, puis vous rencontrez d'autres personnages de Dragon Ball, puis Vegeta, quand vous le croisez, ben, il vous appelle, il voit que vous êtes un Saiyan. Donc c'est assez basique au début, mais on va débarrer différents costumes et techniques tout au long de votre Hero Mode pour gagner la puissance, pour que votre personnage devienne plus fort. Ben vous allez vous entraîner avec des personnages de Dragon Ball, vous allez faire des combats avec eux qui vont vous entraîner, vous apprendre des nouvelles techniques et aussi comme booster votre personnage. Comme le premier personnage que vous allez avoir comme entraîneur, c'est Yamcha, un des personnages les plus qu'on voit surtout au début de la série Dragon Ball quand Goku est tout petit, et lui il va vous entraîner au début et vous allez perdre vite de vue par après. Mais vous avez plusieurs choses. Vous prenez sur la carte, vous ramassez du Dragon Ball, vous allez faire justement les événements qui vont faire avancer l'histoire, mais aussi des petits combats comme ça qui peuvent vous faire gagner en statistiques. Donc, intéressant, assez redondant. Par exemple, faut écoutez, c'est un jeu de combat aussi, on réinvente pas la roue là. Il y a pas un quest mode où on se bat pour monter ses stats pour pouvoir se battre plus. Remarquez que c'est pas mal à l'image de Dragon Ball, qui est pas mal ça. Les personnages ils veulent toujours devenir les plus forts. Quand ils deviennent le plus fort, ben le chapitre d'après, il y a une créature encore plus forte qu'eux. On est vraiment dans cet esprit là. C'est un peu plus plate pour les gens qui connaissent pas la série. Évidemment, comme je le répète là, les néophytes, ils vont peut-être trouver ça plate, et comme type de combat, c'est très flash, les personnages se font lancer dans le décor, beaucoup de combos à 30, c'est infernal. Alors, il y a des rayons qui défont aussi, vous pouvez détruire une partie du tableau comme je le disais tantôt. Donc faut aimer le genre manga, ça c'est officiel. Donc vous allez voir dans le Hero Mode, c'est intéressant, mais c'est vite redondant. Finalement, il y a deux derniers modes, le Tournament, donc le tournoi, donc évidemment là, classique là, dans les jeux de combat, où on va faire un combat, plusieurs combats pour devenir le champion de ce tournoi-là. Et vous pouvez choisir de jouer seul avec... Il y a du multijoueur, bien évidemment. Et voilà, pour devenir champion là, dans ce tournoi-là. Sinon, rapidement, comme je vous disais, le gameplay est très facile, dans le sens où il faut quand même prendre le temps de l'apprendre. Mais une fois qu'on l'a bien en main, ça va bien. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'esquives. Il faut vraiment jouer... on peut être dans différentes distances. Donc, en blast... blast mode, si on veut, où on blast range, en fait, où on va être loin, on va lancer des rayons, des boules d'énergie pour attaquer notre ennemi, et sinon en mêlée, on va lui taper dessus à coups de pied, à coups de poing. Donc, tout dépendant de la distance où vous allez être, vous allez pouvoir faire des coups différents, des combos différents, à des super attaques différentes. Donc, les super attaques, habituellement, comme pour le classique, le Kamehameha, donc l'attaque primaire de Goku, qui est de lancer un rayon en joignant les deux mains, un peu, pour ceux qui connaissent plus Street Fighter, comme Ryu fait en lançant son Hadouken. Bon, ben c'est le même genre, mais avec un gros rayon surpuissant qui peut détruire la Terre. Donc, ça, c'est le genre d'attaque que vous allez pouvoir faire. Et il y a les Ultimate Attacks, donc qui est habituellement la technique la plus forte du personnage qu'on connaît dans la série, bon, qui va pouvoir exécuter quand vous allez atteindre le plus haut de votre énergie. Donc, il y a trois indicateurs sur le jeu. Votre vie, qui est comme une Dragon Ball, qui va changer de vert, jaune à rouge quand vous allez être vraiment blessé. Il y a une barre d'énergie que vous allez pouvoir remonter en vous concentrant. Votre personnage va commencer à crier comme dans la série, puis avoir un aura qui va se développer autour de lui. Ça va lui permettre, entre autres, de frapper plus fort et de pouvoir utiliser des techniques pour éviter les super techniques et que les ennemis vont pouvoir vous faire, donc soit le bloquer, l'éviter ou tout simplement la contrer en faisant une autre super technique et peut-être en pouvant endommager l'ennemi en face. Donc le gameplay, c'est pas mal ça là, c'est assez simple mais très divertissant. Comme je disais tantôt pour le graphique, c'est un beau graphique manga là, pour les amateurs. C'est un... En tout cas, moi personnellement, je l'ai acheté. Je vous avertis, habituellement là, dans les magasins, il est pas vrai. Ça fait quand même depuis le mois d'octobre, vous le trouverez pas vraiment en bas de 40$ parce que c'est un titre assez c'est vraiment un public précis qui achète ce genre de titre-là. Ils en vendent pas des masses, donc c'est un peu comme Dynasty War Gundam. C'est en plein ça. C'est dans le même genre de titre. Ça descendra pas rapidement. Pas mal tous les jeux de Namco Bandai, à l'exception de Soul Calibur, rentrent pas mal dans ces catégories-là généralement. C'est ça. Faut être fan d'anime. De manga japonais, mais aussi connaître un peu les séries. Donc, une suggestion pour ceux qui aiment la série Dragon Ball, qui aiment cet univers-là, et aussi qui veulent la découvrir, c'est quand même intéressant d'être dans la trame narrative au lieu de la regarder à la télé, surtout que moi j'ai trouvé que la série animée de Dragon Ball était assez ordinaire. Achetez-vous le manga ou jouez au jeu. Donc, voilà, vous pouvez retrouver ça sur PS3 et Xbox 360. Après cette présentation du jeu Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, on va y aller avec une chanson. On va voler un peu le créneau de l'émission qui nous suit, de la bande originale, en vous présentant une musique de film, mais en vous présentant une chanson tirée de la bande sonore du Parrain, I Have But One Dream, Oh Marinariello, de Nino Rota. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. But one heart, this heart I bring you. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say, you are my one love. My life I live for you. I have but one heart to give to you. Vicino mare, facciamo amore. Ancora, ancora, per c'è spassare su mare, mare e tirarezza, ma parlarezza scunga. My darling, until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say, you are my one love, my life I live for you. I have but one. Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Et en faisant une petite précision sur Dragon Ball dont je viens de vous parler, je vais vous dire aussi qu'il y avait quand même eu des réponses variées là, dans le sens des critiques, où on avait IGN qui avait parlé d'un 7.5 sur 10 et d'autres comme GameSpot qui avait donné un 4 sur 10, disant que c'était trop simple justement, il n'y avait pas de substance dans ce jeu-là. Et donc même Metacritic avait donné un 55 pour la version Xbox 360 et un 58 pour la PS3. Écoutez, comme j'ai dit, faut être un initié de ce jeu, de cet univers-là pour l'apprécier quand même à sa juste valeur, mais ça reste un jeu assez simple. C'est, j'ai pas vraiment regretté mon 40$ parce que j'aime Dragon Ball et j'en profite beaucoup, mais c'est quand même un achat à y penser, peut-être une location au début pour les gens qui sont moins certains de leur amour de Dragon Ball. Et on va continuer en nouvelle après cette courte rectification. Et on va y aller avec une grosse nouvelle quand même, une nouvelle intéressante. The Old Republic, est-ce que ce serait bientôt free to play, donc gratuit pour y jouer? Ben, on peut se poser cette question-là, parce que c'est une rumeur qui circule sur le net depuis peut-être une semaine et demie. Et depuis qu'Emmanuel Lucic, c'est un designer qui est sur Old Republic, qui a parlé à des reporters, qui disait, et je cite, « Le marché du MMO est très dynamique et nous avons besoin d'adopter le même dynamisme. Les joueurs sont en constante demande de nouvelles mises à jour, de nouveaux modes de jeu et de contenus inédits. Nous sommes donc en train de considérer l'optique d'un modèle économique free-to-play, mais je ne peux pas vous en parler en détail. » Donc, c'est sûr que ce serait intéressant de voir ça. Moi, j'ai pas encore joué parce que je suis pas un gros fan de MMO et encore moins du paiement là, par mois. On va acheter un jeu à 60$ puis on continue à payer quoi un 10, 15, 20$ par mois, tout ça dépendant. Ça joue entre 10 et 15 généralement. Donc on continue à payer ça pendant peut-être un an là, dans les plus chers, puis après ça peut descendre un peu. Moi, j'aime beaucoup mieux la version free to play. Puis ça vous tente d'acheter des items uniques, on le paye. Juste à regarder Guild Wars. Oui. Ça a été un des gros MMO sur PC, puis il y avait une structure free-to-play. Voilà. Puis de toute façon, on sait depuis quelques semaines, là, Star Wars The Old Republic, les ventes sont en baisse, les abonnés sont de moins en moins là, et ils n'ont pas le choix, effectivement, ils n'ont pas le choix d'avoir une stratégie différente pour attirer des gens, parce que ça reste quand même que, dans ce genre de jeu-là, ben, on réinvente pas la roue, on reste avec un World of Warcraft et des choses du genre, ça ressemble toujours à la même chose. La seule chose qu'avec ce qu'on nous a parlé avec Star Wars The Old Republic, mais qu'on avait un jeu finalement avec une storyline, donc une trame narrative à unidirectionnelle, puis une fois que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est peut-être la seule chose de différent, c'est qu'il y a une trame narrative à ce jeu-là. Bref. Donc, j'espère. En tout cas, moi, j'espère parce que je vais sûrement pouvoir acquérir The Old Republic pour pouvoir tester ça s'il devient free-to-play. On s'en redonne des nouvelles. On va regarder ça. On va surveiller ça sur les internets dans les prochains jours. Une nouvelle pour toi, M. Endo? Oui, ben en fait, une des raisons... on va faire la liaison. On va faire une transition incroyable. Une des raisons pourquoi que Star Wars The Old Republic a baissé en abonnés, c'est non seulement à cause de qu'est-ce que tu as mentionné, mais aussi la grosse sortie de bizarre Diablo 3 qui a causé bien des joies et bien des frustrations pour certains joueurs. Erreur 37. Mais beaucoup de pays, de joueurs de différents pays, la France, les États-Unis, la Corée, ont essayé de faire j'ai oublié le terme juridique pour ça. Dépression? Ben, dépression, mais... Recours collectif. Recours collectif, merci. Pour une fois que c'est pas moi qui te donne le mot. Recours collectif pour essayer de se faire rembourser des jeux parce qu'il se sentait lésé de pas avoir pu jouer le jour du lancement. Et avec raison. Et avec raison. Et Blizzard a toujours défendu leur point en disant que non, les joueurs ont réussi à bien profiter du jeu quand même. Beaucoup ont fini le jeu après X nombre de temps et qu'ils ont respecté leurs ententes. À l'exception de un pays, Blizzard s'est incliné devant la Corée. Et effectivement, Blizzard va rembourser des joueurs qui n'auraient pas dépassé le niveau 40 depuis le lancement du jeu. Et donc, dans le fond, tout joueur coréen qui n'a pas atteint le niveau 40 à l'heure où on se parle... Donc, un Coréen qui aurait une vie. Exactement. Va pouvoir le signaler à Blizzard entre le 25 juin et le 3 juillet 2012 et se faire rembourser l'achat de son jeu. Parce qu'il faut dire que les Coréens, c'est quand même, je pense que c'est les plus gros consommateurs. En fait, dans la charte de Blizzard, c'est effectivement la Corée qui est la plus grande part de marché. En fait, Blizzard l'ont jamais vraiment dit, mais on se l'est jamais vraiment caché. Ils se prosternent et prient le dieu Corée d'acheter leur jeu et parce que c'est une de leurs plus grandes sources de revenus. Et c'est pas compliqué, bizarre, si la Corée se mettrait à dos contre eux autres, ça ferait un méchant trou dans leur budget. Fait que ils ont préféré s'incliner, rembourser le jeu à peut-être 10% de leur clientèle en Corée. Qui sait? Qui sait? Effectivement, encore une fois, une source de frustration pour joueurs américains et européens qui ont essayé de faire la même procédure. Merci Andrew, et on va continuer tout de suite en musique parce que nous aimons la musique à puissance maximale et on y va avec une chanson, un classique. Écoutez, moi j'ai choisi la musique pour l'émission d'aujourd'hui et je suis un peu en... parce que je suis en train de jouer dans une game de Pathfinder et mon personnage est un peu dans ce genre-là, un peu mousquetaire, un peu bretteur, un peu duelliste, et je suis tombé sur la musique sous le signe des mousquetaires, tiré de la fameuse série des années 80-90, série animée, qui a été traduit en français, et avec la chanson du même titre, Sous le signe des mousquetaires, avec M. Michel Barouille. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Avec nous, venez croiser le fer, les méchants vont mordre la poussière. Le signe des mousquetaires, on est tous des frères. La main dans la main, nous allons au combat pour notre pays et pour notre roi. Athos, Porthos, D'Artagnan et Aramis sont de pairs, de bons amis. La devise qui nous soutient, c'est un pour tous et tous pour un. On peut compter sur nos épées, s'il faut défendre notre amitié. Avec nous, venez croiser le fer, les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer, les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires. Poursuivons les gardes du cardinal. Nous nous battons bien, mais après la bataille, nous embrochons des volailles. Et l'on trinque à la santé de nos belles qu'on a quittées. Mais avant tout, à nos épées, car elles défendent notre amitié. Avec nous, venez croiser le fer, les méchants vont mordre la poussière. Pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, il y a des gens qui écoutent Puissance Maximale. Vous pouvez le faire sur le site de ckiafm.org. Allez voir ça pour nous écouter en direct et le www.puissancemaximale.com pour aller chercher nos émissions en différé. Et on continue avec des nouvelles sur la Wii U parce qu'on n'arrête pas de vous parler de la Wii U parce qu'on a hâte de voir ce beau produit-là de chez Nintendo. Beau produit, mais bon, on le sait pas. Il y a... Nintendo ont commencé à nous écouter. Et pourquoi tu dis ça? Ben, quand on a parlé du E3... Je leur ai dit, là, Nintendo, il serait temps de commencer à mettre des infos. Eh oui, il y a des infos qui commencent là, à fuir. Ça commence à sortir. Effectivement, là, il y a la version allemande du site Amazon qui aurait fait une annonce. En fait, ça aurait été une fuite disant que la Wii U serait à 399 €. Ce qui est quand même pas mal. Et il y aurait une sortie de prévu le 21 décembre. Ce qui est un peu farfelu, je trouve, comme information. On sort pas une nouvelle console à 3 jours de Noël. Non, ben généralement, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une date comme ça en décembre, mais à leur change. La Wii, ça a été comme ça. Ils ont mis une date, genre dans les alentours de Noël, dans le mois de décembre, mais ils l'avaient devancé une fois que ça a été confirmé. C'est comme un peu un haut plus tard, mais ça cause au niveau de la confirmation, c'est que, comme tu dis, la nouvelle dit que Amazon allemand l'avait confirmé, mais pas longtemps après, il y a eu un update sur la nouvelle, je sais pas si tu l'avais vu. Amazon.fr est venu rajouter l'information pour afficher dans le fond la console à cette date-là et ce prix-là. Ce qui est bizarre parce qu'il y a des sites quand même, entre autres un site britannique, la version britannique du site Amazon, bref, Amazon, accordez-vous, Amazon britannique qui affichait la Wii U à 199 livres, qui est environ 250 €. Donc, qui est le prix moyen présentement de la PS3 et de la Xbox 360 sur le marché européen. Donc, on sait pas trop ce qui se passe. Mais, mesdames et messieurs, vous pourrez avoir l'heure juste parce que demain, Nintendo annonce une conférence. Oui, en fait, une conférence à midi, heure de Tokyo. Et ils ont spécifié que l'ordre du jour, Wii U, Wii U, Wii U et 3DS. Quand même. Et j'ai hâte de voir si le prix final va être annoncé et les dates de sortie. On va espérer parce que là, ça commence à... Ça sent ça, on serait dû, là. Non, mais vois la coïncidence, là. Je les ai challengés la semaine passée et mystérieusement, une semaine après, quand on fait notre émission, il y a une conférence de presse qui est annoncée. Voyons, c'est évident, Mike. Les fameux dirigeants nippons de Nintendo nous ont écouté. Qui parlent français avec... ils comprennent l'accent québécois et spécialement celui du bas du fleuve, dans mon cas, qui sont capables de nous décoder et d'envoyer nos mémos directement à Nintendo. Et je leur enverrai un Haligato Gazaimashita. C'est ça, et on attend votre chèque. Et voilà. Et autre, est-ce que, il me semble que tu n'avais pas d'autre chose à dire par rapport à la Wii U, cher Andrew? Oui, en fait, il y a eu. Encore une fois, Nintendo, il annonce qu'ils vont en parler, mais on n'a pas eu encore d'informations claires au niveau des performances de la machine. Et la compagnie Crytek, compagnie en arrière des jeux Crysis, ont dit avoir déjà travaillé avec le développement de la console et ils disent que la Wii U est au moins aussi forte qu'une 360. Parce qu'il y avait eu des rumeurs comme de quoi que c'était moins fort que la PS3 et que la 360. D'autres disaient que ça allait être plus fort. Les autres, ils disent que c'est égal. Fait que maintenant, on a trois opinions différentes. On a bien hâte de voir, mais j'espère que ça va être au moins égal parce que Nintendo va continuer comme ça. Je sais pas combien de temps ils vont continuer comme ça, là, la cadence derrière les autres consoles. Je sais qu'ils ont, on le sait tous, là, qu'ils sont maintenant vers le marché des joueurs occasionnels, des familles. Et là, ils veulent aller plus vers le social. On l'a vu avec le dernier E3. Mais on va quand même espérer qu'un jour... Ben, ils ont quand même ouvert la porte au hardcore gaming. Mais t'sais, s'ils veulent... Si les performances sont pas là, il y a beau avoir des titres, mais si les gens peuvent avoir des plus belles versions sur d'autres consoles, ils vont se tourner vers d'autres consoles. Ben oui, c'est ça. Ben, malgré que Nintendo ont l'air de dire que le gameplay va révolutionner toute méthode de jeu et que ça va compenser les lacunes graphiques de Nintendo, on va voir. Donc, ben oui, effectivement, on a hâte d'avoir ça, ce qui va s'en venir avec la Wii U. Demain, nous aurons plus de détails. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Et il y aurait un jeu, en fait, une autre petite nouvelle rapide avant de retourner en musique. C'est un jeu de société sur les jeux vidéo. Et oui, Compile Quiz est de retour. En fait, c'est un quiz. C'est un jeu avec des cartes qui sont remplies de questions classées par difficulté sur différents thèmes. Et là, on se rapprocherait justement du jeu vidéo. C'est un concept européen. Je sais pas si on va pouvoir, il faudra parler avec notre ami Chantal Campagna de Distribution d'eau, de voir si on va avoir ça au Québec. Donc, des questions, un genre de quiz, justement, de connaissances générales et plus précises, de tout dépendre de la difficulté, qui va nous parler de jeux vidéo. On nous parlait d'un 14 euros pour le marché européen. J'ai hâte de voir si, on va pouvoir poser la question à Chantal la prochaine fois qu'on va lui parler pour les jeux de plateau ici même à puissance maximale. Donc, c'était une petite nouvelle rapido comme ça, pour pouvoir vous amuser à propos des jeux vidéo, mais à la maison et socialement avec des amis autour d'une bière ou d'un punch aux fruits. Tout dépendant de votre préférence. On continue en musique avec Monsieur Mononcle Serge et la chanson Marie-Joana. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes depuis de CKIA FM 88.3 à Québec. Après-midi au Squareberry, la police procède à l'arrestation d'un Squeegee. Il fouille dans ses poches, il lui passe les menottes, puis qu'est-ce qu'il trouve? Un demi-gramme de pot. La police confisque la matière dangereuse, puis après leur chiffre, ils s'en vont aux danseuses. Dans le stationnement, avant d'entrer, il se roule un gros joint avec le pot confisqué en chantant marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Les bœufs avaient envie de stock gratis. Le Squeegee se faisait arrêter par la police. Chaque semaine, il se faisait pincer avec du cannabis. Le juge lui a donc donné la sentence la plus triste. Le laveur de vite s'est ramassé en prison. Le juge est rentré fumer un joint à la maison. Et le lendemain, il sommes regardés de nos valeurs. Partait en Thaïlande, c'est la vie des petits mineurs. J'entends marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Essayez de passer le temps. Il a vite été incité à descendre d'un cran. C'est quelque chose de bien plus fort que la marijuana. Les gardiens lui vendaient pour arrondir leur fin de mois. Notre loser est mort d'overdose. Et pendant que le laveur de windshield repose, Ottawa envisage de rendre le pot légal. Oui, mais seulement à des fins médicales. Comprenons l'hésitation des morons d'Ottawa. Ils veulent pas faire de peine à leur job de la mafia. Et comme c'est là, le pot génère des milliers d'emplois. J'ai gardé de prison les juges et les avocats. Hey! Marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Oh yeah! Marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Oh mon Dieu, les Indiens nous rattrapent. Il faut faire quelque chose, mon sang. Mettez plus de charbon dans la chaudière. Mettez la puissance maximale. Puissancemaximale.com. On a ressorti le vieux stock, un vieil indicatif fait par monsieur François Gécouillard, notre grand Manitou ici à Puissance Maximale, le dieu fondateur. Tu voulais faire le changement des indicatifs, voilà. Ben merci, merci François de, avec ce bel indicatif. On va le mettre plus souvent, je pense. Je savais pas c'était quoi. Maintenant, tu le sais. Et on va continuer après cette belle surprise, Andrew, avec une nouvelle sur la PS Vita. Oui, vous, gamers et fans de consoles portables, vous savez probablement que depuis le lancement de la PS Vita, c'est une console qui a de la misère à performer dans les ventes, autant en Amérique du Nord qu'au Japon, ce qui avait causé des directeurs à baisser leur salaire et des renvois massifs et plein d'affaires de même. Mais imaginez-vous donc que dernièrement, la PlayStation Vita a réussi à monter en deuxième position au lieu de cinquième. Qui est quand même bien. Elle a réussi à détrôner la PSP et la Nintendo DS. Et elle est allée se loger en dessous de la 3DS. Et savez-vous qu'est-ce qui a créé cette explosion de vente pour la PS Vita? Non, mais je sens que tu vas nous le dire, Andrew. Un jeu. Persona 4 The Golden. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas la série, Persona est une série de RPG avec une... T'es dans le fond que... de dungeon crawling où vous explorez dans le fond des donjons aléatoires et vous devez y retourner à chaque nuit, mais le jour vous vivez la vie de quelqu'un, un étudiant généralement, vous devez aller à les cours, vous devez faire des examens, vous avez des choix. C'est un RPG très très populaire au Japon. Je possède le 3 et le 4, personnellement j'ai bien apprécié ce jeu-là. Peut-être qu'à un moment donné je pourrais faire une critique, mais j'ai pas assez joué en détail pour avoir une opinion précis. Ils ont fait une version sur PS Vita. Là. C'est oui, pas, en c'est fait, pas une... c'est qu'ils ont fait carrément un remake du titre PS2 avec des graphiques HD, tout le kit, parce que la PS Vita, chose à savoir, est plus forte que la PS2. Là, oui, oui. Fait que, ils ont vraiment fait un remake avec du stock qu'il n'y avait pas dans le jeu de la PS2. Donc, t'es vraiment plein de goodies. Et Persona 4 a été un des Persona très, très appréciés de la série. Fait que c'est pas surprenant que ça a marché énormément au Japon. Est-ce que quand Persona 4 de Golden va arriver en Amérique du Nord... Prochaine question, ça s'en vient-tu ici? Probablement, puisque Persona 4, pas Persona 4, mais la série Persona performe quand même très bien en Amérique aussi. Ça m'étonnerait pas. Et il resterait juste à voir si, justement, le phénomène de vente de PS Vita va suivre. Si c'est le cas, je sens qu'il va y avoir des dirigeants chez Sony qui vont être très, très contents de la chose. De revoir un peu leur salaire remonter. Et on y va avec une autre nouvelle, une nouvelle un peu plate, je vous dirais, mais... Écoutez, c'est quand même les joueurs qui décident. Le reboot de Syndicate, on nous parle... ça n'a pas été super, en fait. C'est Michael Narmack, qui est un des développeurs là, de la compagnie qui a fait Syndicate, qui nous dit justement... En fait, la compagnie qui s'appelle Starbreeze, qui a fait... Je sais pas si vous vous rappelez, il faut quand même être... Moi-même, j'étais jeune dans les premiers... quand les premiers titres Syndicate étaient sur jeu PC, où on jouait justement des... On appelle ça des syndicats, mais des organisations rivales. On allait se battre. On avait des personnages qu'on allait comme... personnalisés en les transformant un peu en partie cyborg qui allait pouvoir se battre pour nous pour obtenir des territoires dans une ville. C'était habituellement c'était des équipes de 4. C'était un jeu plus stratégie, c'était du point et clic, on allait faire des sélections, on allait recruter des gens pour avoir vraiment des grosses gangs. C'est un peu guerre de gangs, mais science-fiction techno. C'est quand même assez vieux. Mais là, ils ont fait un reboot avec un jeu de tir à la première personne. Moi, j'avais vu les trailers, les bandes annonces et j'étais très très très emballé de revoir ça. J'ai pas eu encore la chance de jouer, mais je vais quand même y jouer prochainement malgré les mauvaises critiques qui sont sorties pour voir un peu avec mon souvenir de ce que j'ai des vieux jeux Syndicate, de ce que ça donne. Mais écoutez, le développeur monsieur Michael Narmack qui dit que leur jeu était condamné à l'avance, et je cite: nous savions dès le départ qu'il y aurait un petit mais extrêmement bruyant groupe de joueurs et de journalistes qui nous détesteraient quelle que soit la route que nous déciderions de suivre. Si nous ne faisons pas une copie exacte du jeu, ils nous détesteraient. Si nous faisions une copie conforme, ils répliqueraient que nous n'innovons pas. Nous n'aurions jamais pu les convaincre. C'était une bataille perdue d'avance. Écoutez, moi je trouve que c'est un peu fataliste comme attitude face à un jeu qui est quand même vendu seulement, c'est pas vraiment pas beaucoup, là, 150 000 copies niveau mondial. Puis c'est un jeu qu'on peut retrouver sur PS3, sur PC. Je sais pas si on fait une version Xbox 360. Me semble que j'ai pas vu de copie. Mais ça se pourrait très bien. Là. Mais non, c'est ça. C'est pas. Je trouve ça un peu plate comme attitude d'un développeur qui dit que c'est la faute finalement des consommateurs. Écoutez, si votre jeu il est pas bon, je vais le tester moi parce que c'est quand même une franchise à laquelle j'ai joué quand j'étais jeune. Le côté first person, tir à la première personne, c'est différent des versions d'avant. J'ai hâte de voir cette version là, mais un peu mettre ça le blâme de c'est quand même des résultats assez catastrophiques là, seulement 150 000 copies. Mettre ça seulement sur la faute des journalistes et des critiques d'un groupuscule d'après ce qui est dit dans cet article là, je trouve ça un peu plate et je trouve ça vraiment dommage. Encore une fois, comme avec Duke Nukem l'été dernier, où on a des vieilles franchises qui reviennent au goût du jour, mais que les développeurs ont pas su amener finalement l'essence de ces franchises là dans les années 2000. Je trouve ça un peu dommage qu'on finalement c'est les critiques puis ceux qui trouvent pas le jeu bon qui sont à blâmer là-dedans. Ça se peut, trop de critiques ou des critiques juste pour bâcher un jeu ou une pièce de théâtre ou un CD, c'est un peu n'importe quoi, c'est jamais bon, c'est pas constructif. Mais ce n'était pas que ça là, avec Duke Nukem, puis je pense pas que c'était la même chose non plus avec Syndicate. Mais bref, on verra plus tard ce qui s'est passé. Et une dernière nouvelle, Andrew, avant qu'on reparte en musique. Ben en fait, c'est deux nouvelles rapides. Oh, ben, on va en faire en une nouvelle. Premièrement, il y aurait des rumeurs qu'il y aurait un Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 en développement. Et c'est pas un titre long. long, hein? C'est... Non, non, c'est très court comme titre. En fait, c'est des rumeurs provenant d'un blog, en fait, proche du développeur, qui aurait divulgué des images et aurait mis des petites teases pour dire « Ah, il y aurait un jeu qui s'en vient ». Je vous dirais... Je me suis lassé de la série Naruto, mais c'est un jeu de combat que j'aime jouer et c'est fait par Namco Bandai. Et je vous dirais que je suis très content de voir qu'ils prévoient faire un troisième chapitre qui est dans le fond vraiment dans les derniers chapitres qui viennent de sortir de la série. Donc après le chapitre Pain et compagnie, vraiment la guerre des Hokage et tout le kit là, qui est comme les chefs des clans ninja. Et ça risque d'être quand même très intéressant, surtout que Generation, qui était le dernier qui ont sorti, m'a laissé un peu de marbre parce que c'est un de marbre parce que c'est un récapitulatif de tout ce qu'on avait déjà vu dans les anciens jeux. Donc à surveiller, peut-être une annonce au Tokyo Game Show qui s'en vient plus tard dans l'année. Dernière nouvelle pour ma part, le Diablo 3 aurait été terminé au niveau de difficulté le plus haut hier par deux joueurs en coop du nom de Quip et de Creepy, qui étaient dans le fond un barbare et un sorcier. L'information a été confirmée par Blizzard et ça a été transmis par les Twitter. Donc félicitations aux deux premiers. C'est quoi la difficulté la plus haute à Diablo 3? Je me rappelle pas du terme en anglais, mais eux autres ils ont écrit l'Armageddon de Diablo 3 terminé en mode hardcore. Oh non, c'est le mode hardcore. Le niveau de difficulté le plus haut en hardcore sans que le personnage meure complètement. Fait que, félicitations à ces deux joueurs qui ont soit n'ont pas de vie ou sont vraiment performants à Diablo 3. Donc, chapeau bas. Donc c'est le mode apocalypse en hardcore. Et donc, voilà. Merci Andrew pour cette dernière nouvelle et on va avant de terminer cette émission vous laisser avec une dernière chanson, la chanson Sugar de System of a Down. Vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Jaune aussi, écoute, puissance maximale. Et oui, c'est déjà la fin de Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je vais tout d'abord remercier M. Andrew Castegan qui est à la console, qui est chroniqueur et qui fait plein d'autres trucs. Merci Andrew! Toujours un plaisir, toujours un plaisir. J'espère bien. Et mon nom, moi, c'est Mickaël Michaud, votre animateur et celui qui fait les choix musicaux. Je vous aime. J'aime ça faire la radio avec vous. J'espère que vous aimez aussi ce qu'on fait. Je laisse libre cours à ton flux créatif. Merci. Merci, Andrew. Et on vous rappelle, en terminant, que Puissance Maximale, c'est aussi un site Internet, le www.puissancemaximale.com. Et je m'avance comme ça en vous disant que préparez-vous. Cet été, il y a une refonte du site qui s'en vient. Monsieur Andrew Castegan va se mettre là-dessus. J'attends mes vacances. On vous promet une refonte du site et aussi quelques petits trucs là, qu'on vous réserve pour l'automne. Soyez attentifs. On vous aime. Là, je suis prêt à passer mes vacances à travailler pour vous et rendre votre divertissement plus agréable. Et il y a aussi le site, et bien évidemment, de CKIA FM, le CKIAFM.org. Allez acheter vos cartes de membres et écoutez la radio directement sur Internet à cette même adresse. Continuez à encourager votre station libre de Québec. Et tout de suite après nous, c'est M. Benoît Quentin avec son émission La bande originale pour écouter des bonnes musiques de films choisies par M. Quentin. Restez à l'écoute et je vous souhaite en terminant une bonne semaine de jeu. Reference tool, and when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we die.